Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un film pour se faire peur. Durant leurs vacances à Cancun, Amy, sa meilleure amie Stacy et leurs petits amis respectifs Jeff et Eric font la connaissance d'un touriste allemand, Mathis, et de son copain grec, Dimitri. Lorsque le frère de ce dernier disparaît mystérieusement à l'intérieur d'une pyramide maya, le groupe décide d'explorer cette ruine mystérieuse. Alors, vous en dites quoi tous? Ça vous dit un vieux temple maya hors des sentiers battus? Je veux y aller. Ça roule. Il y a 1000 ans. C'est pas normal, Jeff. Pourquoi il s'approche pas de nous? C'était un lieu de sacrifice. Waouh! C'est magnifique. Ça l'est toujours. T'as vu ça? Je sens quelque chose sur moi. Ils nous laisseront pas partir. Pourquoi ils font ça? Ça a un rapport avec ces ruines. D'après l'effrayant best-seller... Allez-vous-en! C'est en moi. Je veux le couper. Les ruines. Je vais pas bien. Vous trouvez que je vais bien? Je vais pas bien. Pourquoi vous me regardez pas? Prochainement. Les ruines, un film de Carter Smith avec Jonathan Tucker, un DVD Paramount.